La voix du Kaizen. Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine. Le monde semble être en profonde transformation. Nous entendons parler de crise économique, de crise écologique, de crise éducative, voire même une crise sur le sens de nos vies. L'émission radio La Voix du Kaizen relaie la voix de ceux qui ont fait le choix de la cohérence et du changement. Thierry Geffray fait partie de ces jardiniers philosophes. Les épreuves rencontrées au cours de sa vie l'ont amené à s'impliquer dans la politique, mais aussi dans une réalité plus pratique. Je l'ai rencontré dans sa bergerie, entouré de vastes potagers sur les hauteurs du Diois. Rencontre avec Thierry, qui perçoit de l'espoir, malgré les crises auxquelles nous devons faire face. Oui, il y a de l'espoir, je pense que... Mais ce mouvement migratoire de ce qu'on appelle les néo-ruraux, il a démarré après 68, dans les années 70, donc pratiquement il n'a pas faibli. Simplement, les conditions et les modalités d'accueil sont peut-être un peu différentes aujourd'hui de celles d'hier. Thierry Geffray, là je suis chez vous, sur votre propriété. Je vais simplement vous demander de dresser un petit peu une dimension visuelle, d'écrire l'endroit où sommes-nous ici. Alors ici, on est en Drôme Provençal. Donc vous avez traversé un village en pierre, avec une petite église, une ancienne école, parce que en fait c'est un hameau de la commune de Bellegarde en Diois. Nos terres, elles vont de 700 mètres pratiquement à 1400 mètres, donc il y a du dénivelé, ce qui nous met à disposition un certain nombre d'écosystèmes qui sont complémentaires entre l'hiver et l'été. L'hiver nous oblige à rentrer quand même les bêtes, notamment les moutons, pendant 4 mois. Voilà. On a une estive qui est à proximité du village, c'est-à-dire qu'on met 1h30 pour monter, c'est la montagne qui est en face. On met 1h30 pour monter avec les bêtes, c'est vraiment pas très très loin. Et puis on a intérêt d'y être assez régulièrement, puisqu'il y a aussi les loups qui fréquentent ce territoire. Voilà, on a tout parqué, donc pratiquement tout est en clôture électrique. On essaye de faire des clôtures mobiles, de façon à laisser ouverts les espaces, pour que les gens qui viennent justement se ressourcer puissent apprécier le paysage et les espaces sans avoir des barbelés ou des clôtures devant eux. Vous écoutez La Voix du Kaizen. Moi je viens de Normandie, d'une société plutôt urbaine, d'un milieu plutôt bourgeois. Ma mère était décoratrice. Et j'ai assez mal vécu cette société du paraître, qui était une société un peu insensée. Et donc, étant élevé au bord de la mer, j'ai été élevé par ma seconde mère, qui est la mer avec ses vagues. Et dans les bras de cette mer, j'ai vécu une histoire un petit peu d'amour avec la nature. Et cette relation homme-nature, non dominante, qui pour moi était résiliente de cette société un peu du paraître, m'a conduit à essayer de rechercher des situations où je me retrouverais de nouveau dans une relation homme-nature. Alors c'est pas la mer ici, c'est la montagne. Mais qu'est-ce qui a motivé ce choix? C'est toujours ce rapport d'homme-nature, retrouver un lien plus fort avec l'environnement? Oui, je pense que c'était vraiment un axe fort pour moi, ce rapport homme-nature. Alors, qu'est-ce que vous entendez par ces termes? Ce que j'entends par ces termes, c'est une sorte de dialogue qui a été rompu. Pratiquement, pour moi en fait, le paradigme dans lequel qu'on décline aujourd'hui, à travers notre système, notre société, c'est l'homme et puis la nature. Donc c'est un homme à côté de la nature, c'est un homme qui domine la nature. C'est pas un homme qui se laisse enseigner par la nature, qui apprend des principes du vivant. Et moi, j'ai été, quand j'étais jeune, au bord de la mer, disons, initié à un autre paradigme qui est l'homme et la nature, EST. Et c'est ça que j'ai essayé de retrouver ici. Mais il faut se mettre dans des situations assez particulières de fréquentation de cette nature pour pouvoir renouer ce dialogue, le faire vivre et le nourrir. Comment est-ce qu'intérieurement, on en arrive à vouloir développer ce lien avec l'environnement et la nature? Je pense que cet attrait pour ce dialogue renoué avec la nature correspond à un certain nombre de déséquilibres de vie, à une vie bouleversée et à des levées de dormance. Donc c'est un parcours qui se fait de façon chaotique, mais c'est différentes étapes d'initiation. La première dont je parlais, là, c'était être dans les bras de la mer MER. Et donc là, j'ai appris à faire des barrages, j'ai appris à surfer, j'ai appris plein de choses, donc une espèce de connivence. Et la mère, avec qui j'étais rentré en dialogue quand je parle d'une vie bouleversée, c'est parce qu'elle a pris mon père quand j'avais 3 ans. Donc mon père s'est noyé en mer. Et donc j'ai interrogé cette mère et je suis arrivé dans un dialogue un peu de rancœur. Et puis petit à petit, je suis rentré dans une sorte de flirt avec cette mère. Voilà, donc ça c'est par exemple une étape d'initiation. Après je me suis perdu, je vais vous donner quelques exemples. Je me suis perdu dans un volcan avec 3 personnes qui s'appellent le Cosiguina au Nicaragua et on s'est perdu pendant 5 jours. On a perdu l'eau, on a voulu descendre dans le volcan. Ça a été très, très difficile à remonter. Et quand on est remonté, on avait mis des petits papiers, sauf que les singes avaient chopé les papiers et on pouvait plus retrouver notre chemin. Donc ce que l'on croyait facile de faire, qui était la redescente, on s'est retrouvé dans des épineux et tout ça, c'était très très difficile. Et parmi nous, il y en a un qui est mort, donc on a été vraiment jusqu'au bout de ce qu'on pouvait, c'est-à-dire qu'on est sorti à 4 pattes. Et il s'est passé à ce moment-là une initiation, c'est-à-dire que moi, j'étais plutôt enfant de 68, marqué un peu par l'inspiration sartrienne ou de Camus. Je ne suis pas croyant. Et pour Camus, ce qui a été fort pour moi, c'était l'absurdité de la condition humaine, quand on ne croit pas. Et cette perdition, à un moment donné où on est à genoux et on termine à 4 pattes le chemin, a été une initiation parce que tout d'un coup, je me suis senti chez moi, enveloppé par cette forêt et tranquillisé. C'est-à-dire que cette absurdité de la condition humaine, tout d'un coup, a disparu. Je me suis senti en symbiose avec l'univers, un peu ce sentiment de l'univers en soi, et qui fait que on n'a plus peur, on n'est plus angoissé, on est apaisé, et on ressort de là, quand on peut en ressortir, puisqu'il y en a quand même un qui est décédé, complètement différent et initié. Ça m'est arrivé à 25 ans. Et voilà. Et donc j'ai un certain nombre d'initiations comme celle-là, qui sont des accélérateurs, quelque part, de la mise en place de cette idée de l'homme et la nature d'une écomodernité. Mais c'est vrai que ça passe par des initiations. Alors les accélérateurs, ça peut être le loup. Les accélérateurs, ça peut être la rencontre avec les Kogi, un peuple racine de la Sierra Nevada de Colombie, dont parle très bien Éric Julien. Et j'ai été les voir avec lui plusieurs fois. Donc voilà, après, dans ma vie, il y a eu d'autres choses. Mais j'ai une réflexion qui me vient quand on se retrouve dans confronté à cette nature qui peut être hostile. On a 2 choix finalement, c'est peut-être de vouloir la fuir et d'aller vers une certaine forme de facilité, rejoindre les banlieues, les villes, là où on se pose moins de questions, et là on ne se met pas en danger. Oui, c'est vrai, mais il y a un lâcher-prise qui se met en place par rapport à cette envie de tout contrôler, de tout programmer, de tout dominer. Et pour finir, ce lâcher-prise, il débouche sur une sorte de bien-être, d'apaisement, de sérénité. Ça rejoint cette idée de la sobriété, qui est une voie vers cet apaisement, vers une forme de tranquillité par rapport à une société du paraître comme la société d'Ovilèse, où ce que j'ai vécu, c'est l'insatiabilité de la consommation. Sauf que dans cette insatiabilité de la consommation, moi quand j'avais entre 16 et 18 ans, dans mes amis, il y a eu 6 morts. Il y a eu 2 suicides, il y a eu de l'overdose de drogue, des accidents de moto et de voiture dans le style de la fureur de vivre, bien connu de l'époque. Et donc, pour moi, c'était l'éloge de la fuite, c'est-à-dire fuir une société insensée, d'une certaine façon, et retrouver du sens, retrouver l'essentiel. Et donc, ces initiations, dans la relation à la nature, j'avais confiance. C'est-à-dire, je savais que si je rétablissais ce lien, je serais apaisé et je n'aurais pas besoin de cet avoir, de cette insatiabilité pour pouvoir exister, quoi. Retrouver du sens et retourner vers l'essentiel. Qu'est-ce que c'est que ce sens et qu'est-ce que vous entendez par l'essentiel ? Ben, l'essentiel, ça tourne autour de la différence entre le moi, c'est-à-dire quand on est jeune, on a besoin de se construire, donc il y a une période d'individuation. Donc on joue des personnages, on joue jusqu'à faire des carrières, on donne une image de soi. Et encore plus en milieu urbain, où il faut tenir son rang. Et le hors-sol introduit au hors-soi. Et donc moi j'avais besoin de me retrouver. De me retrouver aussi dans une présence. C'est tout bête à dire, mais en milieu urbain et quand on est dans la carrière, on est dans le temps du passé et dans le temps du futur. On est très très peu dans le moment présent. Là, on discute ensemble, c'est agréable, il fait bon et tout ça. Et j'apprécie ce moment. Mais il y a une époque où j'étais et dans le passé, mon père qui était décédé, une certaine rancœur, et dans le futur, c'est-à-dire comment j'allais construire ma vie. Et donc là, dans la relation à la nature, on découvre le temps présent. On découvre cette espèce de jubilation d'être dans une sensualité à l'environnement. Et quand on a goûté à ça, c'est suffisant. On n'a pas besoin d'une belle voiture, on n'a pas besoin d'une belle maison. Ça nous comble, voilà. Et on se découvre aussi là-dedans, c'est-à-dire on découvre notre capacité de créativité, d'imagination. On découvre aussi que ce qui est important, c'est le lien et la qualité du lien à nourrir avec soi-même, avec la terre et puis avec les autres. Vous écoutez La Voix du Kaizen. Plusieurs fois dans cet échange, on a parlé du mot sobriété. Donc, qu'est-ce que c'est que la sobriété ? Qu'est-ce que vous mettez derrière ça ? Alors, la sobriété, c'est vrai que pourquoi la sobriété, on l'utilise ? C'est un mot, c'est une proposition pour moi de résistance au système actuel qui ne va pas vers l'économie, vers la précaution des écosystèmes qui fonctionnent sur le consumérisme et l'insatiabilité et donc la prédation en général de la terre. Et donc la sobriété, c'est une réaction, c'est un côté un peu rebelle, c'est un côté un peu résistant. Quand on parle du mot volontaire, on sent aussi un petit peu d'austérité. C'est pour ça que la sobriété me parle, mais je trouve que c'est une étape dans la résistance. Et la résistance, pour moi, c'est créer. Et j'aurais essayer de trouver un autre mot qui soit d'abord plus jubilatoire, d'abord en relation avec la nature, ce dont on parlait, et en réfléchissant un peu, en revenant de Valence là, à votre interview, j'étais là, je me disais, mais qu'est-ce que je pourrais trouver comme mot ? Alors j'avais trouvé jubriété, voilà, c'est un clin d'œil à Eric Julien. Mais pour finir, je suis arrivé à quelque chose du style de l'écho. Briété. Alors il faudrait s'interroger sur le mot briété. Mais en tout cas, l'écho est une proposition d'une relation au territoire, d'une relation à la nature, d'une transdisciplinarité, d'une biodiversité. Mais en fait, comme on est plutôt dans... Si on est dans un biomimétisme, dans la biodiversité, on est dans l'abondance. On est plutôt dans quelque chose de jubilatoire, de gourmand de la vie, aussi bien sur le plan personnel que dans le rapport à l'écosystème. Et donc c'est plutôt le mot abondance qui me conviendrait, oui. Mais rien n'est fait dans le système éducatif actuel pour nous apprendre ça, pour nous amener à cette abondance ou à cette sobriété ou à cette éco-briété. Mais non, puisque le système a besoin de citoyens consommateurs, donc il ne va pas se faire à Kiri. Donc tout est fait pour, avec des slogans, vous le valez bien, et si vous êtes un homme ou une femme, consommez ceci ou consommez cela. Donc en fait, dans ce système social qui paraît être du libre-échange et où il y a le mot liberté, il y a des prêt-à-penser très très forts et qui induisent des prêt-à-vivre. Mais on s'en rend pas compte comme dans une religion, mais pratiquement c'est bien plus pernicieux qu'une religion, mais tous les prêt-à-penser sont là, quoi. Et donc, effectivement, l'éducation, c'est un vrai sujet. C'est pour ça que dans le cadre de l'école de la nature et des savoirs, on a l'atelier ferme qui est sur la permaculture ici, et on a ouvert une école qui s'appelle Caminando, qui veut dire chemin faisant, qui est de mettre les enfants en primaire à l'école de la nature. Des petits trucs pour amorcer une démarche vers la sobriété, vers la simplicité, pour celui qui souhaite, qui se pose des questions aujourd'hui. On parlait de quête de sens, recherche de sens dans sa vie. Par quoi commencer pour essayer de transformer son quotidien et aller vers une démarche plus simple, plus sobre? Chacun est dans des systèmes d'addiction, donc qui sont pas forcément justifiés. Donc faut réfléchir à son mode de vie, à son mode de consommation. Maintenant, il faut pratiquer ces situations. C'est des choses qui sont très très personnelles, mais on doit savoir chacun où sont les addictions, où sont les dépenses qui sont anormales et où on se sent bien quand on est dans une relation de sobriété. Mais il faut en faire l'expérience. En tout cas, il faut oser bouger, quoi, par rapport aux prêt-à-vivre qui nous sont distillés par le système. Et pas fonctionner d'une façon, je dirais, en somnambule, quoi. En somnambule consommateur. Et quand on fait l'expérience de ces changements de vie, de ces réorientations, ça nous paraît tout simple. Mais pourquoi on n'a pas bougé avant? Pourquoi on n'a pas osé? Voilà, c'est une question d'audace aussi. C'est des choses toutes simples, mais on a des choses à dire à des personnes qu'on rencontre. On tourne autour du pot et si on se dit, tiens, on se donne ne serait-ce qu'une demi-minute d'audace par jour pour aller dire quelque chose que ça fait un moment que j'aurais dû lui dire, on est toujours récompensé. C'est assez curieux comment la vie nous récompense quand on a de l'audace et quand on ose des choses. Donc il faut y aller, hein, faut bouger. Puis si on bouge pas, je pense qu'avec la lucidité, on va dans le mur, là. Pour terminer, une histoire inspirante ou quelques phrases ou citations inspirantes, quelque chose que vous auriez envie de partager? C'est peut-être cette idée que la vie récompense l'audace. J'ai eu pas mal de ruptures, hein, d'itinéraires. Ce que j'appelle les levées de dormance. Accident physique, perte d'un parent et tout ça. Et je me suis retrouvé dans des situations d'errance à un moment donné parce que je n'avais pas les repères. Mais pour finir, plus le temps passe et je trouve que l'errance, c'est un moment qu'on peut se donner, c'est un peu l'année sabbatique, d'une nouvelle perméabilité aux autres, à son environnement et qui nous rapproche de nous-mêmes, qui nous permet de savoir où est-ce qu'on en est et de prendre des nouvelles orientations. Donc il faut oser les ruptures, je pense, pour se rapprocher de ce que l'on est, de ce que l'on sent que l'on est vraiment, et pas trahir en fait ses intuitions et ses envies. La voix du Kaizen, une émission de Kaizen Magazine. Kaizen Magazine à retrouver en kiosque tous les deux mois.